Au nom de la vulnérable diète des 8 cantons confédérés, considérant tous les périls qui nous menacent à l'intérieur comme au dehors de nos frontières, sur le conseil de notre frère Nicolas, inspiré par le Tout-Puissant, nous avons décrété ce qui suit. La Ligue des Villes est proclamée dissoute. Les campagnes auront part équitable et juste au partage du butin de Bourgogne. Toute alliance étrangère est interdite, soit au canton, soit au parti, et tout subside en nature ou en argent, afin que nulle jalousie ne vienne empoisonner les cœurs. Moyennant quoi, nous acceptons dans notre confédération les bonnes villes de Soleure et de Fribourg. Les députés doivent emporter de cette journée le souvenir de la fidélité, des peines et des travaux que le frère Nicolas s'est donné pour la patrie. Qu'il soit de leur devoir, partout et en tout lieu, de célébrer notre reconnaissance et d'illustrer ce mémorable exemple. Séparons-nous dans la paix et dans la joie.